Bienvenue dans la portion Mishmash des Pamela Cifu pour la semaine du 16 au 22 octobre 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Tania Baudin prend toujours un congé pour l'émission Mishmash. Est en examen. On lui souhaite bonne chance. L'émission d'aujourd'hui, donc, c'est l'émission où on fait le milieu des palmarès ainsi que quelques chroniques accessoires. Donc, on va entendre au moins les positions 14, 13 et 12, probablement plus. Ainsi que le segment Palmer Rest in Peace où on va dire au revoir aux pièces qui nous ont quittées depuis la semaine dernière et même deux semaines. Ainsi que le bloc C'était Fou. On va retourner dans le passé en 2003 du côté francophone pour célébrer le 20e anniversaire de votre Radio Campus. La dernière fois qu'on s'était parlé, on était rendu à entendre les positions numéro 14, donc allons-y en anglophone avec Mise en scène et Closer qui descend de deux places, 7e semaine de présence, mais on débute avec Corridor qui descend de la 5e. Voici Coup d'épée. Les Palmarès, c'est fou, 89 FM. Was dying. espère faire valser les vieux fantômes jusqu'à la limite de nos origines pour qu'on puisse donner au soleil son diplôme. Se fera sans garantie légale. Je regarde au loin, mais les fenêtres sont sales. Faudra au moins s'assurer qu'elle donne sur l'avenir. Tes bras comme une muraille protègent mon territoire. Viens-t'en régner sur mes détails et nous passerons à l'histoire ensemble. Oh, oh, oh, oh, oh. il monte d'une place en 13e position anglophone. Avant, c'était Tire le Coyote qui descend de deux avec tes bras comme une muraille. Avancé en 14e anglophone, mise en scène avec Closer qui descend de deux places. Et on débute avec Corridor qui descend la 5e avec la pièce Coup d'épée. Maintenant, c'est le moment de dire au revoir aux pièces qui nous ont quittées. Voici Pam, Rest in Peace. Just mountains of change. Yeah. 15 octobre 2017. On a commencé avec la semaine du 2 au 8 octobre. On a commencé avec Makala et Piscine Privée qui s'est fait dire de partir avec 3 semaines de présence. Fria Mueras a fini par s'enfuir dans les bois avec La Peur des animaux qui a duré 3 semaines. Daniel Romano est tombé comme les ramens. Avec Royal qui a duré 6 semaines. Hooded Fang s'est fait enlever ses crocs avec Queen of Agusan del Norte qui a duré 7 semaines. Ensuite, pour la semaine du 9 au 15 octobre 2017, Zen Bamboo s'est fait manger par un panda avec Vladimir qui a duré 4 semaines. Kanaï s'est fait poser un lapin avec Rendez-vous Galant qui a duré 5 semaines. Eman et Vlooper s'est rhabillé. J'imagine que c'est une plage nudiste, donc la pièce La Plage qui a duré 4 semaines. White Horse s'est déshabillé de son kimono rose, Pink Kimono, qui a duré 7 semaines. Aaron Delicio s'est fait exploser avec Destroyer qui a duré 3 semaines. Et Trailer Trash Tracy's s'est fait remiser avec Sibel Cash qui a duré 3 semaines. Habituellement, ou en tout cas quand j'ai le temps, je choisis une petite pièce pour accompagner ça, Palmer's in Peace. Et dans le groupe qu'on vient d'entendre, ben Colin, celle qui m'a le plus marqué, c'est la toute dernière. Donc écoutons Trailer Trash Tracy's et Sibel Cash. Au palmarès, c'est fou! 89 FM. We'll be right back.

position numéro 12, ça descend de 10 places, c'est quand même, hein? À 5e semaine de présence pour cette pièce qui porte le même nom que l'album. Et avant entendu, L'Homme pâle avec Dieu dise qui monte d'une place sur l'album Philip. Avant de passer à nos 11e places, retournons dans le passé avec C'était fou. Non, c'est l'autre. Retournons dans le passé avec C'était fou. Voilà. C'était fou, c'est la chronique nostalgique musicale, bien sûr, où on retourne dans le passé. Et comme c'est le 20e anniversaire de C'est fou cette année, donc en 2017, on célèbre ça en faisant le tour des années à travers le temps. Et on était rendu en 2003, la dernière fois qu'on s'est parlé dans cette chronique-là. C'est le côté franco qu'on va entendre cette semaine. Donc en 2003, on avait pas mal de choses dans notre top 10 à l'époque francophone pour l'année 2003. Entre autres, Capitaine Révolte, Caïman Fou, Yannick et les Barnick, Géronimo, André, Yann Perrault, Starbuck et les Impuissants. On va entendre en bloc les positions 3, 2 et 1. Donc en troisième, il y aura Vénus 3 avec Si tu rêves, un classique de l'album Sur quelle planète, qui était numéro 1 pendant 2 semaines au mois de janvier et février. Ensuite, en deuxième place, Alligator Trio avec Hier au soir sur l'album Les Orignons Inquiets, qui était numéro 1 pendant 2 semaines en août 2003. Et en première place, à la toute fin, Antoine Graton avec Jack. Quelle pièce géniale sur l'album Montréal Motel, qui était numéro 1 pendant 3 semaines en juillet 2003. Donc on se commence avec Vénus 3 dans le bloc C'était fou. Jack, c'est un bon gars, se couchait tard. Je les ai mis dans le contrat. Jack, il aimait ça. Pas ma semaine côté placer les affaires. On va recommencer ça, c'est un manque de respect total. On écoute le numéro 1 en premier apparemment. Jack, c'est un bon gars, se couchait tard. Jack, il aimait ça, sentir pis rire, pis on a eu un fun rare. Toujours un bon ami, on va s'ennuyer de lui. Mon Jack, il est mort aujourd'hui. Jack, essayait bien d'aimer tout le monde. Mais toi pis moi, on sait bien que des trous cul dans la vie, pis qu'on peut pas aimer tout le monde. Ceux qui aimaient, les aimaient fort. Grandis au pied de l'oratoire, Jack, nous sommes encore. Jack, tu partis bien trop vite, tu nous as laissé tout seul ici. On se repère un bel au paradis, loin d'enfer, et on ira prendre une bière. We'll be right back. C'est le bloc C'était fou pour l'année 2003, pour célébrer le 20e anniversaire de C'est fou cette année. Donc on a entendu, dans l'ordre contraire de ce qu'on fait habituellement, hein, on a entendu donc Vénus 3 juste là avec Si tu rêves, qui était donc en troisième place pour l'année. En deuxième, dans le milieu, c'était Alligator Trio avec Hier au soir, et on a débuté avec Antoine Graton et Jack sur l'album Montréal Motel. Donc le numéro 1 de l'année 2003. Maintenant, on revient dans le présent avec les dernières positions pour aujourd'hui. En fait, on va en entendre une seule, et c'est celle de Cheap Trick. Voici Long Time Coming au Palmarès C'est fou, 89.fm. Give me all the tumors. Put me Long Time Coming. Question numéro 11, on le fait un précédé, non, ça c'était Betrayer, pardonnez-moi, Betrayer, oui, avec les étoiles qui descendent une place en 11e franco. Avant ça, c'était Cheap Trick avec Long Time Coming. Je pensais qu'on avait le temps pour seulement une pièce, mais on a eu le temps pour les deux, tout va bien. Voilà pour l'édition Mishmash des Palmarès. On se retrouve la prochaine fois pour l'édition Top 10. On est en semaine le lundi au jeudi entre midi et 13h, et puis on repasse en édition week-end les samedis entre midi et 16h. Pour les auditeurs du mardi, restez là pour Rock de Neuron. Bye bye.